Redline d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation Baptiste Mito. I am here to speak on behalf of the starving children. Troisième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Elle négocie la red line de la contribution nationale avec les chercheurs. Lui rencontre les lobbies de l'industrie. C'était plus simple, avant. La phrase passe et repasse dans sa tête. Il aimerait pouvoir l'effacer, mais il n'y arrive pas. Il avance dans le couloir du ministère en essayant de reprendre confiance en soi. Le rendez-vous est important, il n'a pas le droit de le rater. Il serre les mains des gens dans la rotonde. Cette salle feutrée où manque juste l'odeur des cigares et de la cheminée pour que l'ambiance soit un cliché de film hollywoodien. Il ne retient aucun nom, juste les fonctions et les sigles des entreprises, toutes travaillant dans le pétrole. Il installe sa solitude dans un fauteuil en cuir en se demandant ce qu'a à faire un ministre de l'écologie dans une réunion avec les grands pollueurs du pays. Qui fera agenouiller qui à la fin ? Merci de nous recevoir. Votre négociatrice a refusé de nous rencontrer. Ce n'est pas ma négociatrice, c'est la négociatrice nationale nommée par le président. Je n'ai aucun rôle là-dedans. Tu as bien appris le langage politique. Un professeur en reconversion professionnelle. Cette pensée accidentelle le trouble un peu. Il se voyait différemment. Et la tristesse augmente encore d'un cran. Bientôt elle dépassera la hausse du niveau de la mer. C'est peut-être l'âge aussi. Il s'approche de 56 ans. La proposition d'entrer au gouvernement en tant que technocrate, lui, l'invisible de la politique, est tombée pile au bon moment. Depuis 3 ans, il était un peu sur la touche dans l'enseignement. Il n'a pas été élu comme président de l'université. Qu'est-ce qu'il pouvait faire encore de grand avant sa retraite? Avant la grande chute dans l'oubli. Ministre signataire du plus grand traité sur l'environnement. Dans 100 ans, une rue sera baptisée à son nom et il restera dans l'histoire parmi ceux qui ont sauvé l'humanité. On va attaquer directement le sujet. On sait que vous n'avez pas beaucoup de temps. Nous sommes tous préoccupés par l'avenir de la planète et ce qui se passe est inquiétant, aussi inquiétant que la situation politique du continent. La crise ukrainienne, les tensions avec la Russie, notre sécurité énergétique un peu fragile. Tout cela nécessite un renforcement du gaz et des infrastructures nécessaires à son transport. Le ministre de l'économie nous a rassurés. Son corps bouge. Il redresse sa colonne. Il remplit un verre d'eau. Il faut justifier ce mouvement spontané. Il ne supporte pas d'entendre le nom de ce ministère. C'est là où ses dossiers bloquent, à l'économie. Si ces types ont été rassurés par ce mec, tout est joué pour lui. Plus rien ne va bouger. Une transition énergétique vers le gaz naturel, moins émetteur que le charbon ou le pétrole, permettrait à l'Europe des économies de 500 milliards d'euros par rapport aux énergies renouvelables. Nous voulons vous rassurer, monsieur le ministre. Une politique audacieuse sur le marché européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l'accent sur le financement de l'innovation, sauront soutenir les énergies renouvelables. Nous y tenons, vraiment. Je pense que c'est plutôt à moi de vous rassurer, non ? Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. On est là avec vous pour vous faire part de notre expertise technique. Le gaz comme énergie de transition est la solution optimale pour notre pays. On devrait se concentrer sur la réduction de l'effet de serre après 2020 et entre-temps permettre au marché de déterminer le moyen le plus efficace pour atteindre cet objectif, préservant ainsi la compétitivité de l'industrie, la protection de l'emploi et le pouvoir d'achat des consommateurs. On doit continuer à stimuler la croissance économique. Ça fait partie du développement durable, non ? Non, pas vraiment. En tout cas, monsieur le ministre, on vous rassure. On fait partie du même combat. On vit tous dans le même écosystème. Nos compagnies investissent déjà dans les énergies renouvelables, sans aucune obligation. On est conscient des enjeux, sans la nécessité d'objectifs contraignants. Juste, laissez-nous le temps. Il se sert encore un peu d'eau ? Ça devient épuisant, ce débat. Avec un peu de distance, ça pourrait le faire marrer. Mais en ce moment, son humour semble connaître le même sort que la forêt amazonienne. Bon, messieurs, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? exclure tout autre objectif contraignant en dehors des 27% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Vous n'avez pas les bons chiffres. D'abord, ce n'est pas 27%, c'est 35%. Et ce n'est pas 2030, c'est 2020. Eh bien, on vous laisse vous mettre d'accord avec le reste du gouvernement, monsieur le ministre. On va vous laisser maintenant. Ça vous a pris déjà beaucoup de temps. Ils sortent tous un par un en lui serrant la main. Et lui reste figé dans son fauteuil club anglais. Tout ça pour ça. Il regarde dans le vide. Il annule toute pensée. Et se souvient du poisson rouge de son fils et de sa femme qui, un soir d'hiver, par manque d'attention, a posé le bocal sur la cheminée. Aujourd'hui, il ressent la même sensation que ce poisson. Il est dans un bocal et l'eau frémit. C'était Redline d'Alexandra Badea. Troisième épisode. Avec Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement, Vincent Nemeth, un industriel, et les voix de Slimane Yefsa, Laurent Claret, Xavier Bazin et François Hatt. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Villenfin et Pierrick Charles. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Baptiste Guiton.